Alphonse Kugimana est à la cabine technique au micro. Vous êtes avec Vestine Boutoy. Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce vendredi dont voici les principaux titres. Commémoration ce vendredi du 50e anniversaire du génocide des Komi contre les Hutus en 1972. Vous entendrez dans ce journal les explications du représentant légal du collectif des victimes et rescapés de ce génocide liées au rôle de cette commémoration comme une façon de remettre les différentes composantes de la société burundaise. Des conducteurs des véhicules de la mairie Bujumbura plaident pour la disponibilité du carburant après sa hausse du prix. Et les responsables scolaires en province de Bubanza déplorent que l'insuffisance de l'enseignant soit l'un des facteurs qui défavorise la réussite de leurs apprenants. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Le travail de mémoire est un acte de libération et de guérison des traumatismes pour les victimes. Déclaration du représentant légal du collectif des victimes et rescapés du génocide des Komi contre les Hutus du Burundi en 1972 et à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de ce génocide. Pour François Xavier Sabimana, commémorer ne devrait pas être considéré aujourd'hui comme cultiver la vengeance ou reprendre des messages divisionnistes. C'est plutôt la façon de remettre ensemble les différentes composantes de la société burundaise. On l'écoute. L'exercice de ce devoir de mémoire, c'est un travail de libération qui permet aux criminels de mesurer la gravité de leurs crimes et de s'amender. Ça permet également aux rescapés de guérir de leurs traumatismes et permet aussi aux complices de se désolidariser de toute entreprise criminelle. Commémorer alors n'a rien à voir avec l'esprit de cultiver la vengeance. Ce n'est pas l'occasion de répandre de discours incendiaires. Ce n'est ni séparer, ni diviser les gens. Commémorer n'a rien de criminel, c'est un devoir pour tout homme ou toute femme qui a encore du cœur. C'est la clé, dis jamais cela. C'est la porte de la réconciliation entre toutes les composantes burundaises. C'est de ce fait que tous les Burundais, dans leurs différentes composantes, ainsi que les étrangers vivant dans ce pays, sont invités chaque année pour commémorer ce génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972-1973. Cette commémoration se déroule au moment où le génocide est commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973 a été approuvé solennellement par l'Assemblée nationale et le Sénat du Burundi réuni en congrès le 20 décembre 2021. Parlant toujours de la crise de 1972, la famille royale demande que la justice soit faite au dernier roi du Burundi, Ntare V, Charles Ndizeye. Dans une déclaration sortie, l'Umugano wa Rugema Rwigemera, représentant de la Ligue monarchique, voudrait savoir l'endroit où a été enterré ce roi, soit connu et déterré afin qu'il soit dignement inhumé. Selon toujours cette déclaration, certains des auteurs de cet assassinat sont encore vivants et devraient répondre de leurs actes. Et cette famille royale appelle à la sauvegarde des sites de la royauté au palais de Gitega et Muramvya. Et dans un communiqué de presse du parti monarchique et parlementaire sorti à l'occasion de cette commémoration du 50e anniversaire de l'assassinat de Sa Majesté le roi Ntare V, Charles Ndizeye, il rappelle à l'actuel gouvernement du Burundi que tout le peuple burundais attend de lui une ligne politique qui se démarque clairement avec l'injustice, l'impunité, l'exclusion qui ont caractérisé tous les régimes politiques qui se sont succédés depuis le renversement de la monarchie en 1966 et qui ont causé tant de malheurs pour notre patrie et demandent la prise en compte de l'intégration de la composante des Baganois dans la gestion des biens publics comme d'autres composantes ethniques des Bahutus et des Watutsi. Les responsables scolaires en province de Bubanza demandent le remplacement des enseignants qui ne sont plus au service comme les retraités, les déserteurs. Ils expliquent que le manque d'enseignants est aussi l'un des facteurs qui favorise l'échec chez les apprenants. Et à la direction provinciale de l'enseignement, on reconnaît ce problème et on précise que plus de 100 départs ont été enregistrés dès le troisième trimestre de l'année passée. Spes Caritas Cabagnana. Les directeurs des écoles fondamentales et postes fondamentales contactés font savoir que les enseignants qui partent pour d'autres services, les décès, les retraités et autres, ne sont pas remplacés et le manque d'enseignants constitue l'un des facteurs d'échec chez les élèves qui sont quelquefois seuls en classe sans enseignants ou qui sont très nombreux dans les salles de classe. Difficile et même impossible de suivre chaque enfant selon ses responsables scolaires. À la direction provinciale de l'enseignement, on reconnaît ce problème et on précise que 114 enseignants ont quitté le service dès le troisième trimestre de l'année scolaire passée dans toute la province. Une province qui affiche encore un manque criant d'enseignants, 886 selon le directeur provincial de l'enseignement. Lors du dernier recrutement, 59 enseignants ont été accordés à cette province, mais jusqu'à présent, 56 sont déjà au service et 3 ne sont pas encore trouvés. Et 3 de profil menuiserie et soudure ne sont pas encore trouvés. Claude Badougarissé, directeur provincial de l'enseignement, fait également savoir que suite à ce déficit en personnel enseignant, la province de Bumanza compte 714 enseignants bénévoles. Spécialitas Kabanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Une femme de la colline Maramba, en commune Rugombo de la province de Chibitoke, a été grièvement blessée par couteau au niveau de la tête le soir de ce jeudi. L'auteur de cet acte serait un militaire de camp Marambo, selon le chef de cette colline. Ce militaire, accompagné des jeunes affiliés du parti CNDD-FDD, accusait la femme d'être impliquée dans le commerce frauduleux d'épagne, alors que ces épagnes portaient des vignettes de l'Aubert. Cette autorité à la base informe que la victime de cet incident est actuellement sous le traitement médical et selon l'un des corps de défense du camp Chibitoke, des enquêtes ont déjà commencé pour que le coupable soit puni. Les cultivateurs proches de la forêt naturelle d'Ndurumo en commune Marangara de la province Ngozi grognent à cause des singes qui dévorent leurs cultures. Un problème déjà soumis aux autorités habilitées d'après eux, mais qui ne trouvent pas remède. Certains environnementalistes et même l'administration locale proposent comme solution l'instauration d'une aire protégée dans cet endroit. Et le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dit être au courant de cette situation et promet une solution. Les détails avec Apollinaire Mozagara. Sur la montagne Mugari se trouve une forêt naturelle Ndurumo et une autre artificielle. D'après la population de cette localité, ces forêts abritent de nombreux singes qui sont là depuis pas mal d'années et qui ne cessent de procréer. Ces bêtes dévorent champs de maïs, de patates douces, bananes et autres. Les cultivateurs des environs d'Ndurumo reconnaissent que la chasse de ces singes est strictement interdite malgré cette malfaisance. Ils déplorent que ce problème ne trouve pas de solution alors qu'il a été soumis aux autorités administratives depuis belle lurette. Certains cadres du bureau provincial en charge de l'environnement ainsi que l'administrateur de cette commune, Corette Chiminimahana, proposent la transformation de cet espace en aire protégée pour l'intérêt à la fois de ses agriculteurs et de ses animaux. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dit en être déjà informe. Berkima Satungimahana dit néanmoins que faire de cet espace une aire protégée demande beaucoup de moyens, mais qu'on s'y passe déjà. Le remède pourra être trouvé, selon lui, l'an prochain. Donc aussi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci. Apollinaire Mozagara et des conducteurs de voitures de la zone Moussaga, mairie de Bujumbura, trouvent que le prix du mazout devrait être constant. Ils expliquent que ce dernier est beaucoup utilisé dans le transport en commun. Et ces conducteurs demandent la disponibilité du carburant malgré sa montée afin que leurs activités continuent. Ils le proposent après que le ministère en charge d'énergie fixe les nouveaux prix du carburant. Et en actualité internationale, la Russie a confirmé ce vendredi avoir effectué la veille une frappe avec des armes à haute précision contre Kiev, la capitale ukrainienne, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et selon la radio France internationale, les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée, les ateliers de l'entreprise spatiale Artium dans la ville de Kiev, a indiqué le ministère russe de la Défense lors d'un briefing. Et le patron de Frontex, le français Fabrice Leggeri, a présenté jeudi sa démission de l'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières qui doit être examinée par le conseil d'administration vendredi, a appris l'Agence française de presse d'une source proche du dossier. Selon la Radio France Internationale, la proposition de démission de M. Leggeri a fait suite à une enquête diligentée contre sa gestion de l'agence par l'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, a souligné cette source confirmant des informations de presse. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Mais permettez-moi de vous rappeler les principaux titres. Commémoration ce vendredi du 50e anniversaire du génocide commis contre les Hutus en 1972. Et vous avez entendu dans ce journal les explications des représentants légaux du collectif des victimes et rescapés de ce génocide et qui sont liés au rôle de cette commémoration comme une façon de remettre les différentes composantes de la société burundaise. Et des conducteurs des véhicules de la mairie Bujumbura plaident pour la disponibilité du carburant après sa hausse du prix. Et les responsables scolaires en province Vincent Boubanza déplore que l'insuffisance d'enseignants soit l'un des facteurs qui défavorise la réussite de leurs apprenants. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Outoui, j'étais à la présentation. Au revoir. Passez une bonne après-midi.